Salut les amis, c'est Titeuf. Avec Manu, on écoute vraiment tous les jours la radio des Bocons. Ouais, c'est super génial. Ouais, alors on voulait vous dire, bravo quoi. Eh les gars, j'ai un poil de slip. Ta gueule, Hugo. Ouais, tchou.